beaucoup d'avoir aussi respecté le temps de parole. Je vais passer tout de suite la parole à la disputante, donc Catherine Larère, à qui l'on doit les premières grandes études sur Montesquieu et l'économie politique, puis Rousseau et l'économie politique. Donc je pense qu'elle est effectivement la mieux placée pour discuter de la communication. Je lui passe tout de suite la parole. Merci Céline et merci Pierre Crétois de votre intervention et d'avoir amené Rousseau en hôte supplémentaire à ce débat sur le doux commerce. Bon, je pense vraiment que vous avez quand même un petit peu forcé le trait dans l'opposition et surtout peut-être, enfin c'est ce que je vais essayer de montrer pour lancer la discussion, peut-être pas tout à fait identifier ce qu'est la cible, me semble-t-il. Je voudrais juste commencer par un point en liaison avec ce que les organisateurs que je remercie de m'avoir invité, ce que les organisateurs de la journée ont dit pour commencer, et à la suite d'Hirschman. Personnellement, je ne pense pas du tout que le doux commerce soit une doctrine. Et c'est ça que je voudrais avancer, non seulement parce que, comme vous l'avez bien rappelé, c'est implicite. Il me semble difficile de nommer doctrine ce qui n'est pas explicité par ses auteurs. Montesquieu n'est pas l'homme des doctrines, mais bon, j'essaierai de montrer en quoi ce n'est pas une doctrine. Bon. Alors, je vais repartir de quelque chose que vous avez dit et qui me paraît très très juste. Si on identifie le libéralisme avec un paradigme juridique, juridico-économique, disons, qui serait le paradigme de la théorie du contrat, associant le juridique et l'économie à travers une théorie de l'échange égal entre les personnes libres, là, le doux commerce, effectivement, n'est pas libéral parce qu'il ne s'y trouve pas. Et c'est pas une théorie juridique. Alors, je serais aussi en désaccord sur l'expression morale, qui est, bon, c'est un terme ambigu, mais il me semble que une bonne partie des ambivalences que rappelait Arnaud sur l'attitude de Montesquieu vis-à-vis du commerce est qu'il parle des mœurs et pas de la morale, avec deux différences essentielles. Je vais aller vite. D'une part, la morale est individuelle, les mœurs sont collectives. Or, quand Montesquieu, dans les deux premiers chapitres du livre 20, parle du commerce, ben, il en montre les effets positifs collectifs et, comme l'a rappelé Arnaud, les effets individuels corrupteurs, c'est le terme qu'il emploie, et on peut trouver dans ce premier chapitre du livre 1 ce qu'on retrouvera chez Burke ou chez Marx, aussi bien sur les sophismes commerciaux chez Burke que sur les eaux glacées du calcul égoïste, vous étiez tout près de la citation tout à l'heure, du début du manifeste du Parti communiste. Donc s'il y a ambivalence, c'est qu'il y a distinction entre l'individuel et le collectif. La deuxième différence, et là aussi j'irai vite parce que ça a été très très bien montré par Céline dans un de ses nombreux livres sur Montesquieu, le premier en date, c'est que la morale est intentionnelle, c'est une orientation de la volonté. Ce que Montesquieu constate, ce sont des effets, et de ce point de vue-là, la phrase plusieurs fois citée, suivant laquelle l'effet naturel du commerce est de porter à la paix, est particulièrement significatif puisqu'il s'agit d'un effet et pas d'une fin, et que je pense que dans le terme de naturel, comme chacun sait, est polysémique, mais je pense que le naturel ici redouble l'effet. Naturel s'oppose, me semble-t-il, à intentionnel ou à artificiel. Donc c'est cette étude, et là à nouveau je me tourne vers ma voisine, c'est cette étude qu'on appelle ça effet non intentionnel, conséquence involontaire, hétérogénèse des fins, si on veut avoir l'air savant, c'est bien là-dedans que s'installe le doux commerce. C'est des résultat qu'on constate, partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce, et partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. Alors là aussi, Arnaud nous a rappelé les trois niveaux où on repère ses effets, le niveau individuel de l'action sur le commerçant, c'est l'esprit de commerce du livre 5 que vous avez cité, donc je ne vais pas y revenir. C'est l'effet collectif au niveau des conduites privées, des mœurs, ce que vous appelleriez aujourd'hui la société civile, parce que le commerce est un ensemble de relations et parce que le sens du terme commerce, comme ça a été dit, au XVIIIe siècle est beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Hein. Quand Montesquieu parle du commerce des femmes au livre 19, ça n'a rien à voir avec la prostitution. C'est la société des femmes qui gâte les mœurs et forme le goût. Hein. On trouve bien cette ambivalence déjà soulignée. Et puis ce sont les effets politiques, hein, aussi bien au niveau international, des rapports entre les nations. Et effectivement, c'est dans Melon, mais c'est contemporain, hein, ils ont discuté entre eux. Mais aussi, bon, là, le fameux chapitre 20 du livre 21 sur les lettres d'échange, hein, et sur la façon où Hirschman trouve le titre de son livre. Hein. Il est heureux pour les hommes d'être dans une situation où, pendant que leur passion leur inspire la pensée d'être méchants, ils ont pourtant intérêt de ne pas l'être. Hein, et ici, question des désirs prédateurs des princes ou des rois, et la façon dont l'intérêt vient à bout de ces passions violentes. Or, c'est certain que pour Hirschman, hein, si on revient aux études d'Hirschman, il est certain que pour Hirschman, c'est cet effet politique qui est le plus important, me semble-t-il, hein, celui sur lequel il insiste le plus. Et justement, il est tellement pour lui caractéristique du doux commerce, hein, pas l'hétérogénèse des fins en général, mais du doux commerce, que quand il pense que cet effet politique disparaît, ben, il pense que le paradigme du doux commerce disparaît, puisque dans la partie qu'il consacre à Smith, s'il pense qu'il n'y a plus de paradigme du doux commerce chez Smith, c'est disons pour trois raisons que je vais rappeler là, parce qu'elles me paraissent importantes dans la discussion. La première, c'est que il ne croit plus finalement, Smith ne croirait plus, hein, je vais expliquer pourquoi je vais mettre beaucoup de conditionnels, Smith ne croirait plus aux effets régulateurs du commerce sur les folies politiques, hein. C'est qu'il ne croit plus ou il ne croirait plus que le commerce a de bons effets et que, en particulier, dit Hirschman, Smith n'est pas persuadé qu'il faille se réjouir de la disparition de l'éthos guerrier, hein, par suite de la développement des dispositions commerciales. Mais c'est surtout, et à mon avis l'essentiel est là, insiste Hirschman, parce que, je dirais, le schéma anthropologique de Smith serait, et là j'insiste sur le conditionnel, serait beaucoup plus réductionniste, dit-il, hein, Hirschman, que celui de Smith, hein, ce qu'explique de celui de Montesquieu, pardon, et du paradigme du commerce. C'est parce que, explique Hirschman, pour dire comment les intérêts régulent les passions, ben, il faut faire un jeu subtil, hein, où les trois grandes concupiscences, l'amour, le pouvoir, l'argent sont distinctes, hein, où il y a une distinction à la fois une homogénéité, ce sont des passions, mais une distinction pour pouvoir voir comment l'intérêt joue contrecarre. Le désir violent de pouvoir. Or, dit Hirschman, pour Smith, il n'y a plus qu'une seule passion qui est ce désir d'améliorer sa condition, et on se trouve donc dans une situation de simplification anthropologique où la subtilité des analyses du doux commerce disparaît. Alors si j'ai pris beaucoup de conditionnels, alors je parle sous le contrôle d'éminents spécialistes de Smith, que je ne suis absolument pas, et donc je me référerai à une autre étude. Il me semble que si on se réfère aussi bien aux études de Donald Winch qu'au livre d'Emma Rothschild, Economic Sentiments, eh bien, l'analyse de Hirschman ne marche pas, il n'y a pas cette séparation du politique et de l'économique que Hirschman prête à Smith, et puis on est dans Economic Sentiments, donc dans une anthropologie beaucoup plus riche que celle que Hirschman prête à Smith, à Adam Smith. Ça me paraît juste pour l'économie à venir, là aussi, hein, je laisse les économistes trancher, ça me paraît juste... Bon, il y a des passages dans le livre d'Emma Rothschild, elle montre bien à quel point la psychologie morale et économique de Smith, aussi bien que de Condorcet, a rien à voir avec celle de Walras. Il me semble que ce que Hirschman dit, ça peut sans doute valoir pour Walras, ou pour l'économie néoclassique, disons. Ça ne me semble pas bien s'attribuer à pouvoir être attribué à Smith. Mais ça m'amène au deuxième point que je voudrais présenter en rapport avec ce qu'a dit Pierre Crétois, ça mène sur la question anthropologique. Et l'idée que je voudrais avancer, c'est que s'il y a désaccord, peut-être pas tellement d'ailleurs entre Rousseau et Montesquieu, mais entre Rousseau et, avec beaucoup de guillemets, l'économie de son temps, conception du commerce, c'est sur la conception anthropologique. Et là, je reprendrai les arguments que Claire Pignol, dans le numéro des cahiers d'économie politique que vous avez cité dans d'autres articles, a développé, et je vais un peu me rallier à cette position. Alors, bon, je vais, comme vous avez vous-même dit que vous aviez un petit peu forcé le trait sur votre position, j'ai forcé le trait dans mon désaccord avec votre position, et je vais y aller de façon un petit peu forcée en disant c'est pas le commerce que Rousseau critique, et c'est certainement pas le doux commerce. Alors, je m'explique. Vous l'avez bien dit, hein, quand le commerce intervient, c'est une phrase qui vient directement sur les anciens parlaient, ne parlaient que de vertu, les modernes parlent de commerce et de luxe même, qu'on retrouve dans le discours sur les sciences et les arts, c'est directement emprunté à la présentation de l'absence de vertu dans la modernité, que fait Montesquieu au chapitre livre 3 du livre 3. Mais je dirais, il me semble que toutes les citations que vous avez données de Rousseau le montrent. Ce qui intéresse Rousseau, c'est pas tellement le commerce. Bon, il y a la critique des médiations, mais ça fait partie d'une critique générale des médiations, où il y a aussi bien les armées de métiers que la représentation politique. Quant à dire que l'argent n'est pas une richesse, ben c'est un lieu commun au XVIIe et au XVIIIe siècle, qu'on reprend Montesquieu. Il me semble que ce qui intéresse, ce que vise Rousseau, c'est ce qu'il n'appelle pas division du travail, hein, mais l'expression n'est pas chez Rousseau, mais elle n'est pas non plus chez Ferguson, donc le concept y est, disons, et ce qui l'intéresse, il me semble, c'est tout ce à quoi vous avez fait rapport, c'est ce que j'appellerais les effets sociaux du développement des techniques. Hein, c'est-à-dire l'invention conjointe de l'agriculture et de l'industrie, hein, qui crée un rapport social de dépendance. Je dirais ce rapport social de dépendance, c'est pas l'échange qui compte vraiment. Bon, il va s'en suivre des échanges, mais il est plus fondamental. Hein. De même que quand Rousseau dit qu'il y a une estime inverse des arts, hein, puisqu'il n'emploie pas le terme de technique, c'est pas que le marché marche mal, hein, ou que c'est une opinion publique qui est, je dirais, plus fondamentale que les échanges. Et donc, il me semble que c'est ça la grande originalité de Rousseau. Cette étude montre ce que j'appelle des effets sociaux de la technique. Si on veut garder le terme de critique des économies politiques, l'expression empruntée à Marx, c'est beaucoup plus intéressant de le rapprocher de l'idéologie allemande que du capital. Hein, il n'est pas à la recherche d'une théorie de la valeur, il est en train de réfléchir sur une conception sociale de la division du travail. Et dans cette optique, il n'y a pas de critique du tout commerce chez Rousseau, là aussi, hein, c'est pour provoquer la discussion, aller un peu vite. Mais bon, je pense que c'est ce dont Arnaud peut-être parlera en début d'après-midi, la critique du tout commerce, et comme là, on en avait discuté quand on avait préparé le numéro de la revue Montesquieu sur l'Empire, la critique du commerce, c'est l'Empire des mers, c'est le système colonial. C'est pas vraiment beaucoup le problème de Rousseau, me semble-t-il. Bon, on trouvera certainement des passages, mais c'est pas l'essentiel. Ne serait-ce que parce que, toujours pour continuer dans ce que vous aviez si justement introduit, ben, Rousseau, lui, il se place dans le paradigme juridique. Hein. Il se place dans la théorie du contrat. Et son objectif, alors il n'a pas lu Pocock, bien sûr, mais son objectif, c'est de montrer que le contrat ne mène pas toujours à l'empire, hein, qu'on peut, en refusant d'aliéner la liberté, articuler le contrat et la liberté. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il est bien, Rousseau est bien trop volontariste, bien trop constructiviste pour s'intéresser aux conséquences non intentionnelles. Ceci dit, ça, c'est faux. Ce que je viens de dire, c'est faux. En ce sens que il y a des études des effets involontaires chez Rousseau dans le deuxième discours, dans le discours sur l'origine de l'inégalité, et dans la très célèbre mise en scène du début de la deuxième partie, le premier qui, etc., ayant en clos et trouvant des gens assez naïfs pour le croire. Vous avez la mise en scène ostentatoire, comme Rousseau sait si bien faire, moi j'y trouve de l'ironie, mais bon, la mise en scène ostentatoire de l'institution juridique, et puis il y a le commentaire que nous connaissons tous, hein, mais on peut supposer que les choses étaient parvenues à un point tel, hein, et donc derrière le développement finalement involontaire. Et on trouve dans la suite de la deuxième partie, au moment où justement sont inventées les premières commodités, comme dit Rousseau, au moment de l'apparition des arts, on trouve cette idée que les hommes se préparaient, dit-il, un joug, hein, dont ils n'avaient pas conscience. Donc on est bien dans les effets involontaires. Alors, bon, on dira bien sûr ces effets involontaires, il n'y a pas de main invisible chez Rousseau, ils sont négatifs. Hein, ils sont toujours négatifs. Il n'y a pas de main visible, il n'y a pas non plus de doux commerce, en ce sens qu'ils sont des effets sociaux et que il faut l'artifice du contrat, même dans le deuxième discours, pour passer à des effets politiques. Donc on n'est pas du tout, de ce point de vue-là, dans un paradigme du commerce. Mais c'est aussi une proposition que je voudrais faire de discussion sur le doux commerce. Il me semble que le mode opératoire de ces effets involontaires est le même chez Rousseau, chez Montesquieu, chez quelques autres. Et pour en parler, j'emprunterai à John Elster son concept de mécanisme, hein, tel que John Elster l'introduit dans The Alchemy of the Mind, et puis en français dans son livre sur les proverbes, maximes, émotions. Quand John Elster propose ce concept de mécanisme comme un concept bon pour les sciences sociales par opposition au concept de la loi dans les sciences de la nature, étant donné que dans les deux cas, il y a des enchaînements, mais là où la loi est universelle, et que donc si on peut trouver un cas contre la loi, on l'invalide, les mécanismes peuvent coexister, mais des mécanismes opposés peuvent coexister. John Elster prend l'exemple des proverbes, hein, du titre de son livre, pour lui, il concentre des mécanismes. On peut sans se contredire dire à la fois tel père, tel fils, et à père avare, fils prodigue. Bernard Manin, dans un article sur République et commerce, a déjà repris à John Elster ce concept de mécanisme pour montrer que c'est celui qu'utilise Montesquieu dans l'esprit de commerce, hein, l'esprit de commerce et etc., la suite qui apporte avec lui un esprit de modération, etc., qui fait la différence entre la vertu proprement républicaine qui est délibérée et la vertu commerciale qui est un effet, l'effet d'un mécanisme, dit Bernard Manin, que c'est aussi la façon dont Montesquieu dit, et que reprend Rousseau, hein, les faits du commerce sont les richesses, la suite des richesses le luxe, celle du luxe la perfection des arts, bon, on le trouve chez Rousseau, et que le seul passage que Hirschman cite de Rousseau à la fin de son livre, qui est emprunté à une note de la... à la note 9 du discours sur l'origine de l'inégalité, hein, chez l'homme en société, par opposition à l'homme indépendant, ce sont bien d'autres affaires, dit Rousseau. Il s'agit premièrement de pourvoir au nécessaire et puis au superflu. Ensuite viennent les délices et puis les immenses richesses et puis des sujets et puis des esclaves. Hein, bien dans ces mécanismes. Et j'ajouterai un tout dernier point. Quand Hirschman, au début de son livre, avant même de parler des doux commerces, étudie les rapports entre les passions, ce qu'il va montrer, et qui est à l'origine du doux commerce, qu'il appelle le principe de la passion compensatrice, c'est très précisément l'étude d'un mécanisme, au sens où le fait John Elster dans son livre. Donc voilà, je voudrais proposer que, parce qu'au fond c'est assez mystérieux, hein, la question des conséquences non intentionnelles, des effets involontaires, comment ça marche, hein, on est sorti de l'intentionnel, et on n'est pas vraiment dans la nature. Je pense que... Il y a la perfectibilité quand même, chez Rousseau, qui est... Oui, mais je vois pas en quoi ça contredit ce que... Non, ça ne contredit pas, mais je veux dire que... Le mécanisme de... qui, en quelque sorte, engendre la possibilité du mécanisme. Oui. Mais je veux dire... Le verre est dans le fruit, je veux dire, dans la mesure où l'homme est perfectible. Mais la perfectibilité, c'est une forme de plasticité, je veux dire, c'est pas théologiquement orienté. Hein, ce que je veux dire, c'est que quand on constate... Hein, chez les auteurs du XVIIIe siècle, cette constatation d'effets involontaires, hein, qu'on trouve chez Rousseau dans le deuxième discours, qu'on trouve chez Montesquieu, etc. Ce que je dis, c'est assez mystérieux, sans aller jusqu'à à l'harmonie, à la providence, mais là aussi, je renvoie au chapitre d'Emma Rothschild, qui est, à mon avis, très intéressant sur la main invisible. On se demande comment ça marche. Et je trouve que le concept proposé par Elster de mécanisme, qui dit à la fois un enchaînement, sans dire l'universel, sans dire la nécessité, et me paraît heuristique pour lever ce mystère. Alors, qu'il y ait d'un côté chez Rousseau une perfectibilité que vous ne trouverez pas chez d'autres, etc., ça, je ne prétends pas tout expliquer. Je dis simplement, ça donne une entrée dans cette question des conséquences involontaires, qui au fond est mystérieuse. Hein, si je ne la retrouverais pas aujourd'hui dans les questions environnementales, je ne m'y intéresserais pas autant. Bon. Mais je termine, Céline, ne vous inquiétez pas. Justement, je voulais à partir de là tirer deux points de conclusion. Bon, la première, pour dire ce que j'avais annoncé, que le doux commerce n'est pas une doctrine. Parce qu'une doctrine, ça serait la transposition des lois universelles de la nature. Or, c'est une configuration de mécanismes. Il peut très bien y avoir des mécanismes opposés, sans que ça ne l'invalide pas. Et donc ça expliquerait ce que vous disiez en introduction, qu'il peut revenir. Ces mécanismes, d'où l'intérêt de les comprendre, peuvent revenir. La deuxième conclusion, il n'y en aura que deux, pas trois, c'est que les mécanismes du doux commerce, ce sont, et je reprends encore l'expression à Emma Rothschild, ça joue sur economic sentiment, je trouve que sentiment économique en français ça fait pas très bien, hein. Alors sur la moralité au sens très général du terme moral, hein, au sens le plus large, et je termine sur Rousseau. Je crois que c'est là-dessus que Rousseau n'est pas d'accord, en ce sens que pour que se fasse ce jeu subtil des intérêts sur les passions, faut-il que les intérêts soient des passions. Or, je pense que ce que juge Rousseau, c'est que les intérêts ne sont pas des passions. Ils sont bien trop rationnels pour être passionnels. Et je terminerai sur une citation des dialogues, hein, que Céline connaît bien. C'est dans c'est le deuxième livre ou la deuxième thèse ? Deuxième dialogue. Oui. Deuxième dialogue. C'est page 818 de l'édition de la Pléiade, où Rousseau écrit la chose suivante, je terminerai là-dessus. Si j'avais mis le mot intérêt à la place du mot raison, qui dans le fond signifie ici la même chose, car qu'est-ce que la raison pratique si ce n'est le sacrifice d'un bien présent et passager au moyen de s'en procurer un jour de plus grand et de plus solide, et qu'est-ce que l'intérêt si ce n'est l'augmentation et l'extension continuelle de ces mêmes moyens. L'homme intéressé songe moins à jouir qu'à multiplier pour lui l'instrument des jouissances. Il n'a point proprement de passion non plus que l'avare, où il les surmonte et travaille uniquement par un excès de prévoyance à se mettre en état de satisfaire à son aise celles qui pourront lui venir un jour. Les véritables passions plus rares qu'on ne pense parmi les hommes, le deviennent de jour en jour davantage. L'intérêt les élime, les atténue, les engloutit toutes, et la vanité, qui n'est qu'une bêtise de l'amour propre, aide encore à les étouffer. Donc s'il y a disparition du commerce, c'est pour des raisons anthropologiques, et c'est parce que l'intérêt a définitivement basculé du côté de la raison. Et c'est là que je crois qu'on peut retrouver l'économie post-smithienne. Je crois que Smith n'est pas là-dedans, me semble-t-il, mais je répète ma modestie totale sur la question. Mais il me semble, de ce point de vue-là, que c'est là la pointe de la... Après la question sur la question du travail, la pointe de la critique de Rousseau, elle est anthropologique. Voilà. Merci beaucoup. Alors bon, comme finalement nous avons quand même peu de temps, je propose à Pierre Crétois un petit droit de réponse de quelques mots, et puis ensuite on ouvrira le débat. Je vous remercie beaucoup pour les remarques que vous avez faites et les corrections. Disons que je suis d'accord avec la plupart des choses que vous avez dites. En particulier, peut-être que l'objet de Rousseau n'est pas le doux commerce. J'aurais dû peut-être préciser, parce qu'effectivement, c'est la division du travail, ça me semble relativement évident. Et ce que vous avez dit ensuite sur ce que dont j'étais moins conscient, c'est l'intérêt qui a basculé du côté de la raison, je suis assez d'accord. Simplement, ma proposition de lecture, c'était d'essayer de voir comment, en filigrane, on pouvait éventuellement, sans que ce soit effectivement l'objet intentionnel de Rousseau, voir dans le propos de Rousseau un paradigme qui est absolument hétérogène à celui du doux commerce, et qui du coup pourrait créer éventuellement une dissonance avec Montesquieu qu'il connaît bien. Mais effectivement, sinon je suis d'accord avec vous, c'est pas l'objet explicite. Deuxièmement, concernant les conséquences inintentionnelles, parce que c'était l'autre aspect sur lequel vous êtes revenu, il n'est pas question de morale dans le doux commerce, parce qu'au fond, ce sont que des conséquences inintentionnelles. Alors, comment je répondrai ? La première manière que je... Alors, je suis entièrement d'accord avec votre précision. Effectivement, il est question beaucoup plus chez Montesquieu de conséquences inintentionnelles, alors que dans la doctrine normative de Rousseau, il est beaucoup plus question de la manière dont on fonde intentionnellement une société politique. Donc ça, c'est très clair. Et justement, comment cette société politique parvient à, comment dire, contrecarrer les effets néfastes et négatifs des conséquences inintentionnelles de la division du travail et de la dépendance des hommes entre eux. Ça, je suis entièrement d'accord. Néanmoins, il me semble que... et puis d'ailleurs, c'est quelque chose sur quoi Eva travaille, justement, sur la question de l'économie comme résultant d'interactions avec des effets globaux ne résultant pas des décisions intentionnelles de chacun des agents. Et là-dessus, oui. Mais justement, je pense que c'est un point sur lequel, précisément, il y a aussi conflit entre ceux qui estiment que l'économique pourrait éventuellement être l'horizon ultime du progrès humain, et puis ceux qui considèrent qu'au contraire, le politique vient pour corriger les effets des conséquences inintentionnelles de l'économique. Et il me semble que Rousseau se classe, mais là, cette fois délibérément, explicitement, dans cette catégorie. Alors, il est vrai que dans l'exposé, c'était pas forcément présenté comme ça, et j'aurais dû le clarifier. Par ailleurs, je crois que néanmoins, les impératifs juridiques, qui sont des effets, des conséquences inintentionnelles, s'imposent aux consciences des individus. Et du coup, les mœurs ne sont pas complètement étrangers à la morale. Et raison pour laquelle je pensais qu'il y avait quand même, entre Montesquieu et Rousseau, vraiment une sorte d'opposition au-delà même de cette question d'ontologie, les conséquences intentionnelles, les conséquences inintentionnelles, réellement une opposition sur deux conceptions de la vertu, même si effectivement chez Montesquieu, le paradigme du doux commerce n'est pas le seul possible pour traiter de la vertu, c'est évident.